Voici, en 1 h 15 environ, relié par des résumés tirés généralement de Wikipédia, de larges extraits de L'éducation sentimentale, sous-titré Histoire d'un jeune homme, roman de Gustave Flaubert, publié en 1869.